avec votre magazine L'Illustré. Merci d'écouter La Première, voici Histoire Vivante. Très bel après-midi à vous. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. On dit que le public ne vient plus dans les salles de cinéma, ne vient plus débattre. Mais dans ce cas-là, il faut aller vers eux. Cette semaine, un festival. On se veut un lieu qui propose son propre programme, mais aussi un lieu qui est en mesure d'accueillir d'autres événements sur le sujet des droits de l'homme, mais aussi de répercuter d'autres événements qui ont lieu ailleurs. Préparer, accueillir et faire connaître artisans et organisateurs. Souvent, ce qu'on recherche, ce qu'on défend, ce sont des films qui ne sont pas d'emblée les solutions faciles. L'enthousiasme, la rêverie, l'humour parfois aussi, et puis l'envie que le monde change. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on partage. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il faut faire les choses ensemble. Un festival comme le FIFDH, Festival International du Film et Forum des Droits Humains, qui s'est vu contraint d'annuler cette année sa 18e édition pour cause de Covid-19, peut se tenir dans bien des endroits. Salles de cinéma, de conférences, salles communales, librairies, 65 lieux étaient initialement prévus pour cette édition. Mais il peut et il sait se tenir aussi en dehors de ces lieux attendus. Nous en parlons aujourd'hui, malgré l'annulation de ce festival, avec notre nouvelle invitée qui se présente à vous. Je m'appelle Claudia Desolis, je travaille pour le FIFDH maintenant depuis 6 ans. J'ai créé un projet avec Isabelle Katiguer quand elle est arrivée lors de sa première année au festival. Un projet de projection de films en milieu carcéral. On a démarré vraiment avec de toutes petites ambitions. L'idée étant de créer non pas simplement un moment durant le festival où on présente des films et puis voilà, donc les détenus regarderaient des films, on discuterait autour d'un film et puis tout le monde part suite à ça. On a décidé de créer un programme un peu plus didactique, plus interactif entre eux, nous, cet intérieur, cet extérieur, et en les formant en tant que jury. Donc ils prennent part au festival, non pas au cœur du lieu, mais durant 5 semaines. En amont et pendant, et on projette donc 3 films. On invite des réalisateurs ou protagonistes à venir présenter le film, ou des invités en lien avec la thématique qui est soulevée dans le film, que ce soit du documentaire ou de la fiction. On privilégie dans ces centres de détention des films du CRU, suisse. Et puis on a commencé vraiment timidement à la Clairière chez les jeunes, les adolescents. Donc là c'était vraiment un tout petit comité. Puis petit à petit, ça s'est étendu à la Brena, donc qui est une maison d'exécution de peine sur le canton de Genève, à Chandelon pour l'unité femmes, et aussi à l'hôpital de jour, au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent auprès de jeunes en difficulté psychosociale. Alors vous faites ça, et merci de nous l'avoir présenté. Maintenant, y a-t-il derrière, et on imagine que oui, mais on a envie de l'entendre par vos mots, un, voire des objectifs? En fait, moi j'ai une histoire personnelle avec la détention. J'ai un papa qui a fait 15 ans de prison, à une époque où les prisons étaient extrêmement fermées. Et étonnamment, mon père, dans ces moments-là, avait un besoin de communication énorme. Et ça ne lui était pas possible. Et c'était un temps aussi pour lui pour écrire, pour regarder des choses qu'il ne faisait pas à l'extérieur. Et je suis intervenue à Fleury-Mérangis, qui depuis des années en fait fait ce genre d'intervention à l'époque avec le FIFDH Paris. Et je suis intervenue en tant que productrice exécutive d'un documentaire, et j'avais trouvé l'expérience fantastique, parce que ça crée une émulation et des échanges, ça ouvre vraiment des débats, quelque chose, un regard, et surtout, l'objectif principal, c'est que ces personnes qui sont entre parenthèses durant un temps donné puissent s'exprimer et reprendre quelque part le droit d'être à la parole librement. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien, enfin qui marche dans le sens où le retour qui m'est fait de la part des détenus, hommes, femmes, ados, c'est ça. C'est tout à coup d'être le temps de ce festival durant 5 semaines, de pouvoir donner sa voix, de pouvoir porter un jugement sur quelque chose, sur une œuvre cinématographique. Et il faut savoir aussi que c'est vraiment des personnes déjà qui regardent énormément la télé, donc qui regardent toutes sortes de choses, aussi bien des documentaires que du reportage, que jouent à la PlayStation. Et donc ils ont un regard assez... je trouve un très beau regard sur les films qu'on leur présente, qui sont des films qu'ils n'ont pas l'habitude du tout de voir, parce que c'est pas des gens qui vont dans des festivals pour la plupart, c'est même pas au cinéma, puis le documentaire, c'est quand même voilà, le parent pauvre du cinéma, on le voit très peu, à part dans des niches particulières. Et du coup, ils ont un regard vraiment assez juste sur ce qu'on leur montre. Ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Et pour ce qui est des réalisateurs ou des protagonistes invités, ils sont ravis de venir là parce que ils ont un vrai public, entre guillemets. Enfin, c'est ce qu'ils me disent. C'est vrai que le documentaire, ce genre de film de niche, c'est souvent des professionnels ou un public averti qui va voir ces films. Et finalement, c'est ce type de public qu'on a envie de rencontrer quand on fait des films, notamment sur les droits humains. Où est-ce que ça touche? Comment ça fait réagir? Ça, c'est le côté, voilà, d'échange et ce que ça fait. Pour moi, ça fait évidemment un échange humain extraordinaire parce qu'on crée des liens assez rapidement. C'est très spontané, ça va très vite. On n'a pas beaucoup de temps et très vite, on rentre dans une forme d'intimité assez immédiate. Et ça, c'est très beau. Comment se passe une séance ? Une séance, j'arrive, ils sont là ou ils sont déjà là. C'est dans une aula ou dans une salle particulière dédiée à ça dans la prison. Je présente le film très rapidement, je leur dis le titre, je présente l'invité qui est avec moi. On démarre le film, on dit rien dessus en amont. Le film s'arrête, il y a beaucoup de réactions pendant le film, donc ça c'est aussi assez intéressant, ce qu'il n'y a pas traditionnellement dans un public, dans une salle de cinéma ou dans un festival. Ça parle, ça échange, ça prend position assez rapidement. Le film s'arrête, on fait poser un petit peu, parce qu'évidemment c'est pas toujours évident de parler droit derrière. Je modère avec le public et l'invité. Et c'est extraordinaire. Enfin, il y a vraiment des choses très chouettes qui sortent sur le film, sur leur place aussi, sur l'écho que certains films font par rapport à leur situation. J'essaie toujours de trouver des films qui puissent faire écho à leur histoire en tant que personne dans une situation difficile. C'est souvent des films avec quand même un message d'espoir, si je puis me permettre, si toutefois les films ont tous des messages d'espoir. Ça les fait vachement réfléchir, voilà, sur leurs propres conditions à eux. Et je trouve que c'est ça qui est plutôt pas mal, cette espèce de catharsis tout à coup, ce côté voilà de revenir sur soi, de se mettre en écho par rapport à un film, c'est plutôt pas mal. Alors, vous l'imaginez, bon nombre de ceux qui vous écoutent en ce moment n'ont pas eu la chance ou la malchance de s'y trouver. Si vous deviez nous donner un écho, peut-être précis, de quelque chose que vous avez encore en mémoire, auquel vous ne vous attendiez pas, vous savez, ce genre de flèches qui sont décochées par un archer embusqué, qui sort comme ça, quelque chose qui vient de nulle part, une sorte de critique ovni. Vous auriez quelque chose, ou peut-être quelques pépites. Je vous prends un peu au dépourvu, pardonnez-moi. Mais là, je rebondis tout de suite. C'est sur un film qu'on a présenté l'année dernière qui s'appelait The Sentence. Donc, ça parlait d'une femme aux États-Unis qui a été punie pour un délit de conspiration. Enfin, c'est une association de malfaiteurs. Elle a pris 20 ans de prison, ça c'est le film, pour avoir été simplement la petite copine d'un dealer. De pas avoir dénoncé, en fait, son copain qui était un dealer. Elle prend 20 ans. Après 6 années libres, le FBI avait enquêté sur elle, ils avaient décidé de lâcher les poursuites et ils sont venus la rechercher 6 ans après. Alors qu'elle était mariée, elle avait refait sa vie, sortie de toutes ses histoires, elle avait des filles. Ils l'ont embarquée du jour au lendemain, elle a pris 20 ans. Son frère a fait un film sur elle et c'est un film qui raconte aussi le parcours des familles. Ce parcours terrible d'une famille de détenus qui subit, c'est un dommage collatéral. Elles subissent autant la peine que la personne qui est en prison. Et bon nombre de détenus, hommes ou femmes, se sont vraiment... ont fait une introspection assez forte, assez immédiate, et ils se sont rendus compte, pour quelques-uns d'entre eux, ils l'ont témoigné, en se disant, mais en fait, ma famille, elle subit autant que moi. Parce qu'il faut savoir que les familles des détenus, quand elles viennent au parloir, elles disent pas que c'est difficile dehors, qu'elles souffrent, qu'elles veulent apporter du bien-être, elles veulent alléger la peine de la personne qui est en détention. Et tout à coup, ça les faisait vraiment en se disant, mais je ne me rends pas compte, en fait, à quel point c'est difficile pour ma famille. J'en ai honte. Là, j'ai honte. Et j'ai une responsabilité. Le fait d'avoir une responsabilité, c'est énorme. Voilà, de prendre la mesure de ça, parce que c'est ce qui permettra probablement à la personne de faire son chemin et probablement pas de récidiver à un moment donné ou à un autre. Prendre la pleine responsabilité de sa peine et de ce que ça a causé. Les murs sont épais, on le sait, et la sécurité est renforcée afin d'éviter toute évasion, mais faites-vous vous-même un peu d'évasion avec les propos qui sont tenus. C'est-à-dire, je m'explique, y a-t-il pour le public qui vient au festival, ou pour d'autres, possibilité d'entendre ou de lire ce qui a été dit par ce public si particulier qui est le public carcéral auquel vous vous adressez? Alors, ça se fait petit à petit, et oui, ça se fait. On a, avec l'Office cantonal de la détention, qui a décidé d'ouvrir ses portes, ce qui n'était pas évident pour eux, ce qui n'était pas évident pour nous de comprendre aussi les limites qu'on pouvait avoir dans ce type d'environnement. Et petit à petit, chaque année, ils nous ouvrent une porte de plus pour que ces messages, pour ce que nous faisons à l'intérieur, soient montrés à l'extérieur. Moi, j'ai mis en place une communication avec les détenus, donc je ne peux pas les prendre en photo, je ne peux pas enregistrer, ça c'est certain. Par contre, quand on a un invité, on a eu Ruth Dreyfus par exemple l'année dernière, on peut prendre des photos mais de dos, mais ça reste très anonyme. De toute façon, il y a toujours une forme d'anonymat. Mais j'ai mis en place un cahier d'expression. Donc s'ils veulent pas prendre la parole, si je peux pas restituer cette parole d'un moyen, et que par mon biais à moi, que par ma parole à moi, des dessins, ils peuvent écrire des textes. Et ça, on les communique sur notre site internet. On va probablement faire une grande exposition en 2021 lors des 20 ans du festival, en collaboration avec l'Office cantonal de la détention, pour montrer en fait tout ce travail qui se fait entre les murs. C'est ça. Et l'extérieur, comment se rejoint à l'intérieur? Ben, c'est par moi qui va là-bas, le festival. Et surtout, il y a quelque chose d'assez drôle, étonnant, pas drôle. C'est que quelques détenus, à l'issue de ces projections, une fois qu'elles sortent ou qu'elles sont encore, elles ou ils, en détention, ils m'envoient un courrier ou quelque chose qu'ils ont fait à l'issue de ces projections. Un texte beaucoup plus long sur leurs conditions, avec l'envie de faire quelque chose de ça. Voilà, est-ce que c'est un chemin de croix, un chemin de rédemption, j'en sais rien. C'est de témoigner de son histoire. Et c'est évidemment tragique pour certaines situations, certaines histoires sont tragiques. Voilà, il y a quand même un chemin qui est fait en prison. Et par le biais de ces initiatives, le fait aussi que l'institution permette ce type de choses où on est très très libre finalement. Moi, je peux dire ce que je veux et j'ai pas de censure. Ça crée un lien autre que l'institution m'a mis là, c'est de la faute au système, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça. Et c'est ça qui est gagné, en fait, dans ce genre d'initiative. Il y a, voilà, l'extérieur, comment ils utilisent ça après, par la suite. Beaucoup ne me recontactent pas en sortant, parce que quand on a fini, on a fini. On veut passer à autre chose. Mais, voilà, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui se fait. Revenons à la projection. Mm-hmm. Y a-t-il un cordon sanitaire, si j'ose dire, où les gardiens eux-mêmes sont invités et ont aussi leur strapontin pour les projections? Absolument. C'est aussi toute l'idée de ce programme, c'est que chacun change de rôle. C'est-à-dire que le détenu ne devient plus un détenu, donc les gardiens se rendent compte que « Ah mais monsieur ou madame, vous pensez comme ça, vous dites ces choses-là, je ne vous ai jamais entendu parler comme ça », donc ça crée un miroir différent de ce qu'ils ont toujours vu. Et oui, ils participent aux projections. Pour certains, ils prennent la parole. Je les encourage vraiment à venir un maximum lors des projections. Après, la difficulté, c'est leurs horaires. Donc, c'est alors ceux qui surveillent, évidemment, les détenus. Je ne suis pas toute seule face à toutes ces personnes. De fait, ils prennent part. Mais des fois, il y a quand même quelques gardiens ou personnel qui fait partie de l'Office cantonal de la détention qui vient voir. Et ça crée quelque chose d'assez étonnant. Ouais. Cette parenthèse qui est une sorte de renversement de la hiérarchie, n'est-elle pas douloureusement vécue après coup quand il s'agit de revenir à la norme? Pour ce que vous pouvez en savoir, bien sûr. De ce que j'en sais, du point de vue du personnel pénitentiaire, pas, dans le sens où j'ai eu, effectivement, ça a apaisé des tensions qu'il pouvait avoir avec certains détenus. Le détenu ayant eu une parenthèse quand même qui dure 5 semaines, ça peut désamorcer quelque chose en lui. Ça l'a permis aussi des fois de rencontrer d'autres détenus, ce qui n'est pas toujours le cas, de créer une espèce d'intimité, amitié fugace, mais en tout cas présente. Après, ce qui se passe dedans, quand je ne suis pas là, c'est vrai que j'ai très peu d'écho par rapport à ça. Mais j'espère, en tout cas du point de vue, en tout cas de la détention, quand on fait les bilans à chaque fin de festival, ils disent qu'il y a une vraie plus-value à la fois pour le personnel et à la fois pour les détenus. Nous vous rappelons que le FIFDH édition 2020 a été annulé pour cause de Covid-19. Il présentera cependant un programme actualisé comprenant 27 débats et entretiens avec des intervenantes et intervenants de premier plan et transmis en direct sur Internet. Rendez-vous sur le site du festival pour prendre connaissance des dernières informations. Retrouvons Claudia Desolis au micro de Jean Leclerc. Claudia, avez-vous eu l'occasion d'évoquer votre projet à votre père ? Qu'en a-t-il dit ? A-t-il été un critique vigoureux ou au contraire un athlète du soutien ? Mon papa n'étant plus de ce monde, il n'a pas pu voir ce que je fais en détention, mais je suis sûre que mon papa, si il avait participé à un festival international de films et forums sur les droits humains en milieu carcéral, il aurait été très fier de lui et très fier de nous le dire. Parce que ça, je pense que c'est quand même une note importante vis-à-vis de ses familles, de dire « je suis jury » parce que c'est une vraie valeur. Ils remettent un prix, on crée un texte, ce prix est remis à la cérémonie de clôture, ils fabriquent aussi un prix. Enfin, c'est tout un... Voilà, c'est pas simplement venir voir des films repartir. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'y passent. Et mon papa, je pense qu'il aurait été très fier de moi. Alors, peut-être un éclairage rapide. Vous nous avez dit aussi bien fiction que documentaire. On imagine que c'est pas le trou de Jacques Becker, ni Un condamné à mort s'est échappé que vous diffusez en priorité, ni dans l'ensemble les films de genre qui appartiennent aux films dits carcéral, quoique il ne s'agit pas non plus peut-être d'éviter complètement le sujet, puisque après tout, les personnes qui sont dans le public se voient immédiatement confrontées, et il y a évidemment des choses qui peuvent être tout à fait passionnantes. Je pense notamment au dernier, si je ne ma mémoire est bonne, au dernier objet des frères Taviani, qui avait fait jouer un Shakespeare... César doit mourir. César doit mourir, voilà, merci. C'est le genre d'objet qui pourrait s'inscrire dans vos programmations ? Complètement. C'est exactement le type de film qu'on pourrait présenter. Mais c'est vrai qu'au niveau des thématiques, on n'est pas là pour créer un débat contre la prison ou pour la prison. C'est pas là qu'on a discuté de ça, c'est en aparté, parce qu'à l'issue des projections... On prend un verre, voilà, un jus d'orange notamment, et on mange des gâteaux. Là, il y a des choses qui se disent, qui sont hors... Jus d'orange fabriqué maison, bien sûr. Évidemment, pressé à la main. Non, c'est l'atelier boulangerie de la prison qui fait des petits mets tout à fait délicieux, donc c'est très agréable. On monte des films, enfin j'essaye de choisir justement des films en fonction, comme je disais, qu'est-ce qui pourrait faire écho en eux, au niveau émotionnel, parce que voilà, on veut toucher droit au but... pas tellement intellectuel, sur quelque chose de trop compliqué à comprendre, sur des enjeux économiques ou des choses comme ça. Des films profondément engagés. Des films où la force de l'engagement d'une personne ou d'une collectivité est vraiment mise en avant. Et aussi ce petit message d'espoir de dire, ok, où qu'on soit dans sa vie à un moment donné, c'est à un moment donné. Et si on se met ensemble ou si on décide que ces choses-là doivent changer... elle change. C'est un peu ce type-là. De par ma propre expérience personnelle avec la vie que j'ai eue en tant que fille de prisonnier de haut vol, ça a toujours été comme ça pour moi. On a toujours avancé et je sais que cet engagement qu'on a eu et cette solidarité familiale aussi qui nous a amené à respirer des, voilà, et devenir ce qu'on est devenu, fait la force de ce qu'on est. Et le film, il y a beaucoup de films. Les droits humains, c'est clair qu'au FIFDH, on voit des choses terribles, quelquefois, sur des situations terribles. J'évite des exactions, des films qui porteraient, qui sont aussi trop lointains de nous. C'est pour ça que j'essaie de rester assez dans un univers plutôt européen, nord-américain, américain. Et des films liés à la détention, on en a eu plusieurs. Effectivement. Alors, au menu de cette année, que vont-ils avoir? Ils vont avoir trois films profondément engagés. Donc on a On Her Shoulders, qu'on a présenté à l'ouverture l'année dernière. C'est sur Nadia Mourad, qui part en combat contre le massacre qui s'est perpétré en Irak sur son peuple, les Yazidis. Et cette Nadia Mourad, qui a vécu des violences absolument hallucinantes, s'est sortie de là, donc est une réfugiée yazidi, et se bat aux côtés de la diaspora yazidi aux États-Unis pour faire valoir auprès des Nations Unies une voix et faire reconnaître ce massacre comme un génocide, ce qu'elle a réussi à faire. Elle porte donc mission sur ses épaules, comme le titre l'indique. Exactement ça. On a Ceux qui travaillent de Antoine Rusbach, qui a gagné le Quartz en 2019 du meilleur film suisse, avec en rôle principal monsieur Olivier Gourmet, second rôle Pauline Schneider, qui va venir en détention avec madame Fontanet, Nathalie Fontanet, notre chère conseillère d'État. C'est un film qui parle sur l'engagement au travail et sur l'éthique qu'on peut porter quand on est dans des métiers qui sont internationaux, c'est sur le transport de fret. Des fois sur des paquebots, il y a des choses pas très jolies qui se passent, il y a notamment des migrants qui montent à bord, et le personnage principal a un choix à faire. Il y a un migrant qui s'est installé sur un de ces bateaux qui transporte du sucre, et il décide de le jeter à l'eau. Donc voilà, c'est un problème éthique, un problème personnel entre le travail, ce qu'on doit faire, pas faire. Troisième. On comprend qu'il n'y a pas les bons, les méchants dans le film, qu'il y a des problèmes de conflit de loyauté. Total, ouais. Et très personnel. Troisième film, The Cleaners, sur les nouveaux dieux d'Internet, qui sont les modérateurs, employés par Facebook, Twitter, YouTube, qui visionnent un nombre d'images incalculables par jour de massacres divers et variés, des images terribles de pédophilie XY, et qui, en deux secondes, doivent prendre une décision si on jette cette image ou si on la publie. Et c'est un documentaire Netflix qui est conçu comme un trailer, et c'est complètement dingue parce que ça met en jeu notre démocratie, notre libre arbitre, notre regard sur ce qui est bien ou pas bien. Et les personnes qui sont employées pour faire ça, c'est des personnes issues de milieux très pauvres, en Thaïlande, aux Philippines, à Taïwan, enfin voilà, et qui pour eux, une simple image de saint ne doit pas être mise sur Internet, alors que si elle fait partie d'un tableau historique ou d'une photographie historique, de quel droit, voilà, c'est comme le... Ordonnez le titre du documentaire. The Cleaners, qui sera présenté par Yves Dacor, directeur du CICR. Quand vous dites ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce sont les mots qui vous sont venus quand vous avez regardé le documentaire. Ça ne seraient pas des mots qui me seraient venus quand vous m'en parlez. C'est pas les premiers mots qui me viennent à l'esprit. Par rapport au choix des images, de les garder ou pas, bien ou pas bien, c'est un peu aussi trivial, hein. Ces personnes, elles ont des critères de sélection d'images. Il faut que ça rentre dans les cases. Ça doit rentrer dans les cases. Et les cases, il n'y en a pas 10 000. Il y a bien, il y a mal, il y a pas mal, il y a bien, pas bien. Nu, pas nu, enfant, pas enfant. Enfin, je veux dire, c'est assez délirant. Quand on s'aperçoit, en fait, quels sont les critères, ça fait froid dans le dos. Alors, qui est à l'origine du dessin des cases et de leur légende, à votre connaissance? Les têtes bien pensantes de Facebook, des cadres qui travaillent au cœur de la Silicon Valley, YouTube, Twitter, les GAFA, quoi. Les maîtres des algorithmes. Exactement. Et ça représente un courant important, ce nombre de cocheurs de cases. Vous n'avez pas idée. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est une entreprise monumentale. Ah oui. C'est énormément, et particulièrement des jeunes. Après, vous pouvez imaginer le nombre de syndromes post-traumatiques que subissent ces personnes. Donc elles sont soi-disant suivies par des psychologues, mais tout reste à prouver. Ils font aucune vidange, on les remet dans la rue comme et ça. Et c'est chaque jour. Et c'est des dizaines et des dizaines d'images par heure. Je crois que c'est plus de 450 images par toutes les 10 minutes, enfin je sais plus exactement les taux d'images qu'ils regardent, puis enfin nous on a le 1% d'images dégueulasses, si je puis me permettre. Eux, vous n'imaginez même pas. Alors je sors complètement des clous par rapport au début de l'entretien, pardonnez-moi, mais vous excitez tellement notre curiosité. Comment ont-ils pu avoir la chance de pouvoir tourner? Ils sont un peu planqués pour faire un film pareil, parce que faut bien avoir les autorisations des maisons mères. Eh oui, mais pas du tout, justement. Il y a l'anonymat qui est respecté pour certains des protagonistes qui ne souhaitaient pas être filmés. Après, tout est subjectivité. C'est-à-dire que être objectif un maximum dans un documentaire, c'est très difficile. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Quelle est la vérité? Alors, c'est pour ça qu'il est construit comme un thriller. Finalement, c'est nous, public, qui nous faisons notre propre idée sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire. Et ça, c'est très intelligent. C'est-à-dire que les deux réalisateurs, qui sont allemands, n'ont pas pris le parti pris de dire, regardez comme c'est pas bien ce que font Facebook et YouTube. À nous, qui sommes utilisateurs avertis, pour la plupart, qui n'a pas Facebook aujourd'hui, Twitter ou je ne sais quoi, ah, vous, peut-être. Bah, j'ai levé le doigt très silencieusement. Ah ben, je suis obligée de vous dénoncer. C'était tentant. Oh. Bref, voilà. Donc, c'est à nous de nous faire notre propre idée de la chose. Après, je ne sais pas si Facebook, Twitter, YouTube ont mis des veto là-dessus. Je ne pense pas, vu que le film est sorti, il a été produit, il est distribué. Donc, visiblement, ils n'ont pas eu grand-chose à dire. Par contre, on a très peu de dirigeants. Ou alors, disons-le autrement, pardonnez-moi de vous interrompre, ils font plus qu'assumer. Probablement. Ils le font parce qu'ils sont interviewés pour la plupart, et ils ont une manière de dire ce qu'ils font, en se dédouanant totalement de l'abus, quelque part, de pouvoir aussi sur ces petites mains du net, parce qu'elles sont pas du tout encadrées comme il le faudrait, il n'y a pas de training pour faire face à ce type d'atrocité. Elles sont lancées, voilà, elles sont payées, et voilà. Ils sont très malins. J'ai déjà vu, en regardant American Factory, ce que Netflix, en matière de qualité de documentaire est capable de produire, une originalité qui, à mes yeux en tout cas, sortait véritablement des autoroutes habituelles, des narrations un peu incontournables telles que les télévisions aujourd'hui semblent les exiger de la part de ces fabricants de documentaires. Là, il n'y avait pas de voix off, il n'y avait pas le trailer qui en une minute explique tout ce que vous allez voir après. On s'aventurait lentement, au rythme choisi par le réalisateur ou réalisatrice, j'ai un petit doute, sur la mainmise d'un groupe chinois sur une usine aux États-Unis, fabriquant, que sais-je, des pare-brises ou autre. Oui, c'était des pare-brises, en tout cas des vitres de voitures. Et c'était en suivant ce cheminement et cette manière de manager l'homme occidental, un renversement du regard qui était absolument épatant, sans qu'à aucun moment on nous dise comment il fallait regarder. Et bien sûr, oui, ce qu'il fallait regarder, les plans sont toujours, le cadre est toujours défini, mais voilà, une très grande liberté laissée au public, et j'ai trouvé ça remarquablement adulte. J'aurais bien aimé avoir simplement votre point de vue, vous qui avez, vous êtes appuyé justement sur ce documentaire dont vous nous parlez de Netflix. Le documentaire, c'est vaste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par documentaire? Est-ce que c'est documentaire de création? Est-ce que c'est du grand reportage? Est-ce que c'est de l'investigation? Voilà, il y a plusieurs champs dans le documentaire, comme la fiction, il y a les films d'horreur, il y a les films épiques, historiques, tout ça. La liberté qu'a peut-être Netflix, c'est justement d'être déjà sur plusieurs pays. C'est un streaming, c'est-à-dire qu'on paye un abonnement, donc c'est pas une chaîne dite publique. Donc il n'y a pas cette censure qu'il pourrait avoir dans les chaînes comme la RTS, ou enfin censure, on ne parle plus de censure. C'est pas gentil, hein, on vous laisse vous exprimer librement sur cette antenne. Puis voilà. Pas de censure, mais ils sont confrontés à un public différent, qui est, ils ont des grilles comme ça d'analyse sur qui regarde la RTS, qui ne la regarde pas, enfin bref. Netflix, ils ont une liberté d'action qui est quand même faramineuse. Ils ont des budgets absolument considérables pour faire un documentaire. Oui, mais l'autocensure est dans les têtes. Les budgets n'ont rien à voir là-dedans. Moi, je pense que c'est, voilà, justement de... Comment dire? Moi, j'ai un regard un peu, je dirais, averti. J'aime bien qu'on ne me prenne pas par la main pour me dire, voilà ce qu'on voit, voilà qui est madame, que fait madame, et puis qu'on me montre, et en plus qu'on me dise ce que je vois. Merci de ne pas me prendre pour une imbécile. Exactement. Ouais. Ce qui est vrai, qui est un peu dérangeant aujourd'hui dans le format à la télé. Nous sommes d'accord. Comme je veux dire, aux infos, c'est dramatique. En plus, maintenant, on théâtralise avec de la musique. Netflix aussi, quelque part, peut manipuler sur certains objets, hein. Il faut pas non plus, il y a un côté esthétique aussi qui est très fort dans ce type, dans la ligne comme ça, graphique, artistique de Netflix. Ce qui peut paraître quelquefois pour de la manipulation. Il faut rester vigilant. Aussi. Maintenant, c'est le libre arbitre, et surtout ne pas s'arrêter à ça, c'est la vérité. Bon, allez. Merci. Claudia, merci de votre passage. Vous nous avez largement plus que convaincus de votre projet, de ce projet imaginé avec Isabelle Gatica. Merci d'être venue au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Après Claudia de Solis, rencontre demain avec la directrice du festival FIFDH. Malgré l'annulation de cette édition 2020, nous serons en compagnie d'Isabelle Gatiker.